Verhoeven, cinéaste de l'ironie. Aujourd'hui, Basic Instinct, écrire, c'est apprendre à mentir. La bonne est arrivée il y a une heure, elle a trouvé le corps. Il a quitté le club avec sa nana vers minuit. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Avec quoi ? Un pic à glace, il a été laissé sur la table basse du living. Il y a plein de taches de foutre sur les draps. Bonjour Hélène Frappa. Bonjour. Vous êtes écrivaine et critique de cinéma, vous avez travaillé sur le film Basic Instinct et les femmes écrivaines à l'écran. Alors on vient d'entendre quand même cette réplique sur les taches de foutre sur les draps, où on a entendu cette scène de meurtre, enfin cette scène de cul, on peut le dire vraiment, qui ouvre le film et qui se transforme en scène de meurtre. Pourquoi Basic Instinct est-il un chef-d'œuvre alors qu'à l'écoute comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit d'un film un petit peu daté, d'un thriller érotique années 80-90, avec un peu beauf, un peu cul, un peu nul. C'est un thriller. Alors c'est un thriller, donc il obéit à toutes les règles du genre, y compris les clichés qu'on va énumérer tout au long de l'intrigue. Néanmoins, son héroïne est en elle-même pas du tout un cliché, mais elle est même un personnage assez révolutionnaire puisqu'elle n'est pas la tueuse sexy cliché à laquelle on pourrait s'attendre. C'est une tueuse sexy incontestablement, mais elle est écrivaine, elle est romancière et ce n'est pas du décor, c'est pas de la déco, c'est-à-dire elle a des très très très belles maisons cette auteure de thriller. Elle en a deux même. Elle en a deux sublimes, je veux celle sur la plage, mais moi aussi. Mais ce n'est pas de la déco, c'est-à-dire que le fait même que Catherine Tremel soit auteur de thriller joue dans le film, a dans le film une fonction absolument organique, et c'est le fait même qu'elle soit écrivain qui va déterminer absolument toute l'intrigue et qui elle est. Alors les premières minutes du film qu'on vient d'entendre, donc on annonce la couleur, je l'ai dit, la scène d'ouverture, c'est une scène où un acte sexuel se transforme en meurtre. Alors là, on a l'impression que Paul Verhoeven, qui réalise là son troisième film américain, hein, on a parlé de Robocop, on parlera demain de Total Recall, on parle aujourd'hui donc de Basic Instinct. On a l'impression que là, Paul Verhoeven reprend un petit peu aussi les classiques du cinéma hollywoodien et s'inspire clairement de Hitchcock et notamment de cette phrase « Filmer les scènes de meurtre comme des scènes d'amour et les scènes d'amour comme des scènes de meurtre, à ceci près que là, les deux vont ensemble. » Oui, et à ceci près que le principe et la vision du monde hitchcockienne est intégralement subvertie. C'est-à-dire que, en effet, c'est un remake, c'est une variation, pas un remake, mais c'est une variation autour de Vertigo, hein, comme De Palma a pu le faire dans son film Obsession. Dans Obsession, De Palma tire Vertigo du côté du traumatisme de l'héroïne, en l'occurrence l'inceste, qui fait qu'elle est prise dans une répétition de la même tragédie, puisqu'elle l'ignore. Là, Verhoeven va tirer Vertigo du côté, enfin, il va révolutionner en fait Vertigo de l'intérieur, c'est-à-dire en effet, il donne à Sharon Stone un aspect, il reprend les codes vestimentaires de Kim Novak dans Vertigo, le chignon platine, les sourcils extrêmement soulignés, fin sombre, les vêtements clairs, le tailleur, le côté un peu chic, etc. La musique rappelle beaucoup celle de Bernard Herrmann, ça se passe à San Francisco, il y a des promenades obsessionnelles dans la ville, hein, la ville jouant un rôle elle-même très très fort, comme cette ville de falaise où en permanence les personnages pourraient se précipiter, se foutre à l'eau, comme Kim Novak le fait d'ailleurs dans Vertigo. Sauf que, en l'occurrence, vous dites effectivement les scènes d'amour sont des scènes de meurtre. Ce n'est pas la femme qui est tuée. Hein. Quand Hitchcock dit ça, c'est soutenu par une série de films qui sont des films qu'on appelle couramment des films de gaslighting. C'est-à-dire, c'est Cukor hein, qui invente ce terme avec le film, son film Gaslight. C'est-à-dire des films où le mariage est une entreprise de démolition de l'épouse, de la femme. Hein, ou la relation amoureuse est une entreprise de démolition de l'héroïne. Alors, chez Hitchcock, c'est Soupçons, c'est Les Enchaînés, c'est Les Amants du Capricorne, c'est Rebecca, c'est Vertigo, il y en a beaucoup, en fait. Ce qui ne veut pas dire, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, que Hitchcock, que le spectateur des films d'Hitchcock ne soit pas avec l'héroïne hitchcockienne qui souffre. Ça, c'est une autre question. Cependant, ce qu'en fait Verhoeven, c'est que, en l'occurrence, il n'y a plus de gaslighting. Il est clair que Sharon Stone, Catherine Tremel dans le film, est absolument décidée, d'abord, à ne pas se marier, ça on le verra, c'est assez explicite à la fin, et en tout cas, à ne plus du tout subir toute forme de gaslighting, d'oppression, de violence, et que s'il y a violence, ce sera elle, l'auteur. En gros, Kim Novak est l'actrice entièrement elle est vue par Hitchcock dans le film de Verhoeven. L'auteur, c'est Sharon Stone, c'est l'écrivaine, c'est elle qui voit. Donc elle est en rivalité directe avec le cinéaste en tant qu'elle a le regard. Do you have a cigarette? I don't smoke. Yes, you do. I quit. Congratulations. Je croyais que vous n'aviez pas de cigarette. J'en ai trouvé dans ma poche. Vous en voulez une? J'ai arrêté, je viens de vous le dire. Vous recommencerez. Travailler sur un nouveau roman? Exact. Pas marrant tous les jours, votre boulot, au fond, inventer tout le temps. Ça apprend à mentir. C'est-à-dire? Eh bien, quand vous inventez, il faut que ce soit crédible. Ça s'appelle la suspension d'incrédulité. J'adore ça! Suspension d'incrédulité! De quoi il parle, votre nouveau bouquin? C'est l'histoire d'un flic. Amoureux de la femme qu'il lui faut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Elle le tue. France Culture. Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Alors on a entendu cette phrase, hein, clé, écrire c'est apprendre à mentir, on a aussi entendu parler de suspension d'incrédulité, alors c'est quand même là où on sort un petit peu du thriller érotique un peu beauf, on a quand même cette notion de suspension d'incrédulité qui est quand même une notion assez intello du monde des lettres, vraiment de qu'est-ce qui se produit quand on entre dans une fiction, et puis on a à la fin quand même ce rappel, on est quand même bien dans un thriller érotique puisque Sharon Stone, femme forte qui est l'auteur, qui va décider de ce qui est en train de se jouer et qui est en train de l'écrire, dit la femme va tuer le policier qui est en train de tomber amoureux d'elle. Donc là, on a tout dans cet extrait. On a peut-être tout ce qui va se passer et tout ce qui va... On a presque un extrait programmatique, on pourrait dire. Absolument. On a tout ce qui est censé dans un cliché, l'intériorisation d'un cliché misogyne est censé faire peur. C'est-à-dire, elle est très belle, elle est très intelligente, elle est très riche, ce qui lui permet d'être très indépendante. Donc, elle est censée être trop... Il y a une longue tradition d'ailleurs de films hollywoodiens où la femme oscille en permanence entre le fait qu'elle est soit trop, soit pas assez. Là, clairement, elle est trop. Alors, la suspension d'incrédulité, ce dialogue est absolument génial. En 1816, le poète Coleridge, effectivement, formalise quelque chose qui a à voir avec la rhétorique depuis fort longtemps, qui est cette idée de Willing suspension of disbelief. Alors, willing, c'est intéressant parce que par rapport à toutes ces questions sur la sexualité, ça veut dire quand même le consentement. Ça veut dire que le spectateur d'une œuvre, le lecteur d'une œuvre, va, durant le temps de la vision du film, durant le temps de la lecture du livre, avec son consentement, s'il y consent, suspendre ce qui est le temps de la vie adulte générale, je parle pas pour les enfants, ça marche pas pour les enfants, l'incrédulité, le scepticisme, dit Coleridge. C'est-à-dire le fait que on ne croit plus à ce à quoi croient les enfants quand ils jouent que on va faire que on va croire à, etc. Donc durant le temps de l'œuvre, on va y croire, on va croire à ce jeu d'enfant qui est le fondement de la fiction. Donc ça, c'est la fiction. J'insiste parce que hier on a, enfin vous avez parlé, c'était très intéressant d'ailleurs dans l'émission, Muriel Joudet a beaucoup parlé de la question de la simulation. À propos du film Elle. À propos du film Elle. La simulation qui est effectivement, enfin disait-elle et disait le film de Verhoeven, l'une des conditions, on pourrait dire sociales, enfin de la vie de la femme en société qui doit d'une manière ou d'une autre à un moment faire semblant, simuler l'orgasme, simuler le sourire, simuler qu'elle est contente, etc. Simuler qu'elle est contente d'être payée moins 25% que les hommes, etc. On pourrait en faire une longue liste. Là, attention, la fiction, le mensonge de la fiction, c'est pas de la simulation. Ça, c'est très très important philosophiquement. Il faut vraiment comprendre qu'il y a une différence. C'est-à-dire que quand on est dans l'espace de la simulation, on est encore évidemment dans l'espace de la domination masculine, incontestablement. Et de comment une femme s'en arrange. Enfin, comment une femme ou n'importe quel négocie avec cette soumission. Voilà, n'importe quel représentant d'une minorité opprimée par les règles de cette société va essayer de s'en arranger. Ça passe aussi par la simulation. Et puis, il y avait les jeux vidéo, évidemment, donc on était du côté de la simulation. Là, on est dans la fiction. Donc, quand elle parle de mensonge, écrire, c'est apprendre à mentir. En même temps, elle cite Coleridge. Et que nous dit Coleridge ? Il nous dit, mentir, c'est, en fait, créer les conditions d'une croyance. C'est ça. C'est très technique. C'est ce que font les écrivains. C'est ce que font les écrivains particulièrement quand, comme Catherine Tramell, ils sont auteurs de thrillers, qui obéissent à des règles très précises, notamment des règles où il faut que quelqu'un meure. Elle dit sinon le livre ne marche pas. Donc, ça va être un film entièrement sur cette question de la croyance où une femme a depuis longtemps balancé par-dessus, avec sa culotte d'ailleurs, toute forme de simulation, puisque le film s'ouvre d'ailleurs sur une scène, comme vous disiez, de sexe, où on comprend bien qu'elle ne simule pas. C'est une femme qui a des orgasmes, ou alors elle ne baisse pas, incontestablement. Donc, dans l'écriture, ça va être la même chose. Il n'y a pas de simulation, mais il y a de la croyance, comme il peut y avoir dans l'amour. C'est-à-dire un sentiment qui peut être fondé sur une illusion, et qui est toujours d'ailleurs fondé sur une illusion, mais qui produit des sentiments vrais. Ça, c'est pas de moi, cette définition géniale, c'est du père de Mary Shelley, le grand philosophe William Godwin. Donc, on est dans cette question-là. Oui, mais l'idée d'employer ce terme de mentir n'est pas anodin. Le mensonge a à faire avec la vérité et donc avec une forme de réalité. Or, la fiction, c'est tout autre chose. On pourrait abandonner complètement ce terme de mensonge, de croyance. Finalement, en fait, ce qu'on a sous les yeux quand on regarde Basic Instinct, c'est la vérité. C'est la vérité de cette fiction-là. Mais on a décidé que tout ce qui était mensonge, réalité, tout ça n'avait pas de sens par rapport à ce qu'on est en train de voir. C'est la vérité dans l'artifice. Donc c'est le mensonge au sens de l'art. Voilà. Mais on n'est pas dans la simulation, encore une fois. On fait pas semblant. On est à fond dans quelque chose qui est absolument dans l'artifice et qui est en même temps absolument vrai, qui produit une vérité. Et puis il y a aussi cette autre réplique, en fait tout commence par là en fait, sur l'arrêt du tabac. Elle cherche une cigarette, elle demande une cigarette, donc c'est Sharon Stone, donc Catherine, qui demande une cigarette à Nick, donc qui est vraiment le héros du film, on va dire, parce qu'en fait le héros dans le sens où il n'y a peut-être pas une seule scène où on ne le voit pas. Et on ne voit jamais Catherine seule, on voit toujours Catherine quand Nick entre dans une salle, dans une pièce ou quand il la regarde. Toujours vraiment Nick est le personnage, je pense, qui occupe tout l'écran en même temps qu'il y a un personnage qui, à l'inverse de Catherine, de Sharon Stone, est vraiment univoque, un petit peu plat. Elle lui dit « Est-ce que vous avez une cigarette ?» Il lui dit « Non, I quit, j'ai arrêté. » Finalement, elle sort une cigarette. « Ah, mais vous aviez des cigarettes ?» Elle dit « Mais de toute façon, vous allez replonger. » Absolument, elle a besoin d'un partenaire de jeu. Dans la fiction, c'est pour ça que je parlais des enfants, on a besoin d'un partenaire de jeu. On ne joue pas, même quand on est écrivain et qu'on écrit tout seul chez soi, on a besoin d'un partenaire de jeu qui est le lecteur, qui est le personnage, qui est le récit qu'on se raconte, etc. Elle a besoin de son partenaire de jeu, ce qu'il va être. Alors après, il y a dans tout le film la présence à la fois réelle dans la fiction et métaphorique de la drogue, de l'addiction plus exactement. La substance, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout un peu, pas tant que ça. On a quoi ? On a le tabac, on a l'alcool, on a la cocaïne. Oui. Qui sont, voilà, les trois substances. En réalité, la vraie substance dont parle le film, c'est la fiction. C'est-à-dire que quand elle lui dit, dans cette scène géniale, effectivement, où elle est à l'arrière d'une voiture de flic, où elle est arrêtée parce qu'il y a quelque chose d'illégal dans la fiction, on sent que la fiction, c'est dangereux. Et effectivement, il y a un danger qu'affronte l'auteur, qu'affronte le cinéaste, qu'affronte l'écrivain, qui fait qu'il va être vraiment en danger. Hein, il y a un vrai danger. Donc, elle est dans cette voiture de flic. Elle lui dit, tu vas replonger. En vrai, ce qu'on va voir, en vrai, en faux, ce qu'on va voir pendant tout le film, c'est que, ok, il va sans doute reprendre de la cocaïne, de l'alcool. Mais c'est pas vraiment le centre du film. Mais c'est pas le sujet. Là, pour le coup, c'est du décor, hein, c'est du décor obligé. C'est pour montrer qu'ils sont tous les deux accros à la fiction, accros au meurtre, accros au danger. Ce sont, je crois qu'on peut le dire, on va spoiler. Ce qui fait que ces deux personnages se rencontrent et sont, disons, foudroyés, on peut dire, par cette rencontre, c'est qu'ils sont tous les deux criminels. On a d'un côté un flic qui a quand même buté beaucoup de gens, parce que, comme elle le lui dit avec une ironie extraordinaire, elle a énormément d'humour, hein, cette écrivaine. Donc elle lui dit à un moment quand même, 5 personnes en 2 ans, ça commence à faire un peu beaucoup. C'est-à-dire, pas que des accidents. Voilà, ça commence à faire un peu beaucoup pour que même dans la police protégée au sein de l'institution de la police, où ok, les bavures ont l'air de faire souvent partie du quotidien, 5 en 2 ans, c'est beaucoup. Elle est une tueuse en série. Donc on a 2 tueurs en série, littéralement, qui vont se rencontrer là-dessus. Et le film ne fera à aucun moment semblant de les excuser, de leur donner... On sera exactement sur cette ligne pendant tout le film. C'est ça qui est génial aussi. Alors, on n'en est pas encore au moment de la reconnaissance mutuelle de ce côté tueur et de ce désir fou aussi de se retrouver et de fiction, de se croire. Il y a cette scène qui arrive en fait très tôt dans le film et qui est une scène, un classique du cinéma, on peut le dire, américain. C'est la scène de l'interrogatoire où... Auditeur, auditrice, vous n'allez pas le voir, mais vous pouvez l'imaginer. Sharon Stone croise et décroise ses jambes sans culotte. Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? I had sex with him for about a year and a half. I liked having sex with him. He wasn't afraid of experimenting. Avez-vous essayé avec lui les pratiques sadomasochistes? Qu'avez-vous en tête exactement, Monsieur Corelli? Vous lui avez lié les mains? Non. Vous ne lui avez jamais lié les mains? Non. Johnny aimait trop se servir de ses mains. J'aime les mains et les doigts. Vous décrivez une écharpe de soie blanche dans votre livre. J'ai toujours eu un penchant pour les écharpes de soie blanche. Elles servent en toute occasion. Oui, mais vous aimez les hommes qui utilisent leurs mains? Non, je dis que j'aimais que Johnny utilise ses mains. Je ne respecte aucune règle, Nick. Je suis le courant. Avez-vous tué Monsieur Baz, Mademoiselle Trammell? Ça aurait vraiment été stupide d'écrire l'histoire d'un meurtre et de tuer ensuite un homme de la façon que j'ai décrite dans mon bouquin. Je me serais désignée moi-même comme l'assassin. Je ne suis pas stupide. Mademoiselle, nous savons que vous n'êtes pas stupide. C'était peut-être votre façon de vous faire disculper. Avoir écrit ce roman vous donne un alibi. Ah oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais la réponse est non. Je ne l'ai pas tué. Vous prenez de la drogue, Mademoiselle Trammell? Ça m'arrive. Vous avez pris de la drogue avec Monsieur Baz? Bien sûr. Quel genre de drogue? Cocaïne. Vous avez déjà baisé sous cocaïne, Nick? On a entendu là le jeu qui était en train de se nouer entre Catherine et Nick. Donc Catherine, suspectée du meurtre de Johnny Boz, une sorte d'ex-rockstar proche du maire de la ville. Et donc Nick, qui est un policier, qui doit enquêter sur ce meurtre de Johnny Boz. Et donc il y a cet interrogatoire qui se renverse complètement, puisqu'en fait ce n'est pas elle qui se sent scrutée par ses inspecteurs, mais comme une meurtrière, mais c'est véritablement elle qui les scanne un à un. Et qui joue d'ailleurs de ce regard sur elle. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, elle a bien compris que tout jouait dans l'apparence et que s'il fallait renverser les choses, ça n'étant pas en jouant peut-être sur son intellect, en jouant sur sa position d'écrivain, mais vraiment en jouant sur en manipulant la perception que ces policiers allaient avoir d'elle durant cet interrogatoire. Oui, ce qui est extraordinaire dans cette scène, hein, c'est qu'elle échappe à elle subvertit complètement ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle depuis les années 70 le male gaze, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une scène qui est vue, même s'il y a une troupe de policiers un peu ballot devant elle en train de la mater, qui sont complètement dépassés par la situation. On n'est pas du tout, le spectateur n'est pas mis de ce point de vue-là. C'est-à-dire, il n'est pas mis au milieu de ces policiers qui pourraient se rincer l'œil, disons. On a cette femme qui va montrer sa chatte, en écartant les jambes. Ah oui, on la voit très clairement. Très clairement, plusieurs fois. Cette femme, d'une beauté, elle est exceptionnellement belle et sexy. Elle a une voix absolument extraordinaire, très sexy aussi. Elle joue, l'interprétation de Sharon Stone est absolument extraordinaire dans ce film-là. Et en fait, on est comme face au tableau de Courbet, c'est-à-dire l'origine du monde. Son sexe nous regarde. C'est-à-dire, il y a cette dimension, on pourrait dire hypnotique, de voir ce sexe féminin qui est montré comme ça, avec désinvolture. J'enlève le presque, avec désinvolture. Et en même temps, il est là, il nous fixe. Et c'est elle qui nous regarde. Bon, un écrivain, je le rappelle, c'est quelqu'un dont le métier consiste à observer. Hein, essentiellement, il ou elle observe. Donc, on pourrait dire, et c'est ce qu'elle va dire à un moment, vampirise aussi, il vole, voler, observer. Les voleurs sont des grands observateurs, hein, comme Hitchcock d'ailleurs l'a très bien montré dans son film Marnie. Donc voilà, c'est elle qui a le regard. Elle a le regard comme un cinéaste a le regard. On peut dire que clairement, dans ce film, Verhoeven fait aussi un autoportrait. Il se décrit lui-même en tant que cinéaste à travers une femme qui possède le regard. Et à ce moment-là, son sexe n'est pas regardé comme une pièce de boucherie qu'on regarderait avec un regard voyeur et dégueulasse, ou même avec un regard de désir, à vrai dire. Il est une sorte de deuil. Il devient un œil. Et il y a quelque chose, moi je n'ai jamais vu ça au cinéma, je pense que c'est ça qui vraiment donne à cette scène sa dimension complètement révolutionnaire. Et puis on a aussi ici pas seulement un renversement, il ne s'agit pas en fait de dire que cette scène, ça n'est pas du male gaze, mais c'est du female gaze, à savoir l'inverse, tout est vu du point de vue de la narratrice, ou tout le point de vue en tout cas de l'auteur qui serait Catherine. Parce que c'est ça en fait, à mon sens, la grande force de cette scène, c'est que Verhoeven ne cède pas non plus au code du male gaze. Il reprend tous les codes du male gaze, à savoir la femme est regardée en face à face par une meute de flics qui bavent, qui transpirent en fait devant la beauté de cette femme. Donc là, on est quand même complètement dans quelque chose de mélisme. On n'a pas non plus tout du point de vue de cette femme écrivain. Il y a quand même quelque chose qui résiste en elle. Elle ne veut pas tomber non plus. Elle le scrute, mais on ne voit pas ce que ça lui fait à elle. On ne voit pas en fait ce que ça lui procure. Et là, on retombe sur l'idée que chez Verhoeven, on a très peu de psychologie, voire pas du tout de psychologie. On n'est jamais dans la tête des personnages. Mais finalement, en fait, on voit aussi qu'il y a peut-être une autre manière de voir les choses qui ne soit pas genrée, mais qui soit juste un rapport de domination ou d'examen, de jauge, de jugement. Alors, pas genré. Moi, je sauterais pas directement à cette conclusion qui est juste. Mais avant, il y a quand même quelques étapes qui font de ce film un film quand même invraisemblablement féministe. Enfin, comme peuvent l'être d'autres films de Verhoeven, particulièrement sur un mode beaucoup plus sombre et tragique, son chef-d'œuvre absolu qui est Showgirls. Donc, on est vraiment quand même dans. Et puis bon. Repartons quand même de cette écrivaine hein, que je ne lâche pas, ma collègue Catherine Tremel. C'est quand même une femme qui pour le coup subvertit les clichés. Généralement, elle est comment l'écrivaine ? L'écrivaine, elle est moche généralement. Elle a dans des lunettes. Le cliché, elle a toujours des lunettes. Hein. Un chignon. Elle a un chignon. Elle est habillée en tweed. Si en plus elle peut être lesbienne avec un elle fumait le cigare et avoir un chat. Genre Colette un peu quoi. Alors là, moi, je suis en train de citer littéralement une figure d'écrivaine dans un film d'Hitchcock, figure qui d'ailleurs, à mon avis, n'est pas du tout misogyne, dans un film d'Hitchcock qui est soupçon. Mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est moche, en fait? Ça veut dire quoi? Parce que là, on est dans une émission de philosophie, donc essayons de comprendre ce que ça veut dire, ce mot moche qui est intéressant. Il est intéressant parce que, surtout quand on parle des femmes, hein, parce que ça fait quand même des millénaires que la question de la beauté leur est associée, donc il faut s'interroger, d'ailleurs des philosophes l'ont fait évidemment, sur cette question-là de l'apparence. Moche, ça veut dire qu'elle n'est pas regardée, ou pas regardable, c'est pareil. Hein. Là, on a. Et pourquoi elle n'est pas regardable, l'écrivaine, ou pas regardée? Parce que c'est elle qui regarde. Donc ça voudrait dire que celle qui regarde ne peut pas être regardée. C'est généralement, historiquement, la manière dont cette figure apparaît. Là, elle est à la fois totalement regardable et on a envie de regarder qu'elle, et en même temps, c'est elle qui a le regard. Donc là, il y a quand même un coup de force fictionnel. Hein, enfin, il réinvente cette figure-là, j'insiste vraiment. Donc, c'est genré, de ce point de vue-là. C'est genré, mais on est déjà au-delà. On est déjà au-delà dans cette subversion. Je vous ai pris comme modèle pour le flic de mon roman. Vous n'avez rien contre. J'allais justement me servir un verre. Vous en voulez un ? Non, merci. Ah oui, c'est vrai. Vous avez aussi arrêté le Jack Daniels. J'ai encore quelques questions à vous poser. Moi aussi, je voudrais vous poser des questions. C'est pour mon bouquin. Vous avez une aversion particulière pour les glaçons ? J'aime pas ce qui est lisse. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me demander ? Quel effet ça fait de tuer ? C'est à vous de me le dire. Ce qui manifeste le plus souvent un regard, c'est la convergence vers moi de deux globes oculaires. Mais il se donnera tout aussi bien à l'occasion d'un froissement de branches, d'un bruit de pas suivi du silence, de l'entrebâillement d'un volet, d'un léger mouvement d'un rideau. Pendant un coup de main, les hommes qui rampent dans les buissons saisissent comme regard à éviter, non deux yeux, mais toute une ferme blanche qui se découpe contre le ciel, en haut d'une colline. Il va de soi que l'objet ainsi constitué ne manifeste encore le regard qu'à titre probable. Il est seulement probable que, derrière le buisson qui vient de remuer, quelqu'un est embusqué qui me guette. Or, le buisson, la ferme, ne sont pas le regard. Ils représentent seulement l'œil, car l'œil n'est pas saisi d'abord comme organe sensible de vision, mais comme support du regard. Il ne renvoie donc jamais aux yeux de chair du guetteur embusqué derrière le rideau, derrière une fenêtre de la ferme. À eux seuls, ils sont déjà des yeux. Le regard que manifestent les yeux, de quelque nature qu'il soit, est pur renvoi à moi-même. Ce que je saisis immédiatement lorsque j'entends craquer les branches derrière moi, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un, c'est que je suis vulnérable, que j'ai un corps qui peut être blessé, que j'occupe une place et que je ne puis en aucun cas m'évader de l'espace où je suis sans défense. Bref, que je suis vu. C'est un extrait de L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Troisième partie, le pour autrui, chapitre 4, le regard. Si ça intéresse les auditeurs et auditrices d'y jeter justement un coup d'œil, c'est interprété par Bernard Gabay. Et ça suit cet extrait où Catherine et Nick se sont reconnus mutuellement comme tueurs. Et à l'inverse de ce que dit Sartre dans ce texte où le regard, le poids du regard nous laisse sans défense. Ici, le regard qui fonde vraiment tout le film. D'ailleurs, le regard est important, que ce soit dans Robocop, le regard de Alex Murphy qui subsiste, qui résiste après sa transformation en machine. Hier, on parlait de Michel Leblanc dans Elle, où elle dit qu'elle a le regard vide et après elle dit qu'elle y voit clair. On voit bien que le regard est un thème, un motif incontournable chez Paul Verhoeven et que dans cet extrait, être vu, ce n'est pas devenir un objet, ce n'est pas être sans défense, c'est au contraire peut-être être enfin reconnu. Oui, alors je pense qu'il sort en effet, il était question à propos de elle, de sadomasochisme. Moi personnellement, je ne crois pas qu'il y aurait une intériorisation historique. Enfin, je pense que on ne peut pas philosophiquement justifier le fait que la femme victime d'une forme de domination masculine de la société intérioriserait une forme de sadomasochisme et que certains films, dont ceux de Verhoeven, raconteraient ça. Je pense que précisément, il sort complètement d'une logique sadomaso, qui peut être celle d'ailleurs qu'évoque le texte de Sartre. Moi, derrière le texte de l'extrait de L'être et le néant, qui est un très grand livre d'ailleurs, j'entends les textes de Sartre sur la honte, hein, en particulier, la honte de soi, hein, le fait d'être pris dans le regard. Alors, la question du regard, effectivement, l'œil ne voit pas. Ce qu'il voit, c'est le regard, c'est l'intentionnalité, le désir, la question d'exister sous le regard de quelqu'un. Là, on est face à une femme qui, d'abord, la question de la honte, elle a été réglée avant le début de Basic Instinct. C'est en ça que le film, je pense que j'ai peut-être un peu trop répété le mot révolutionnaire, mais je vais encore le dire. Il y a une jouissance dans ce film. Enfin, il y a une jubilation, disons, parce qu'il n'y a pas de jouissance. La jouissance, c'était avant. La jouissance, au sens où on est pris dans des chaînes qui font qu'on va être pris dans des répétitions, ça, c'était avant le début du film. Elle a réglé ça. Elle est, effectivement, ce personnage, il a réglé ses questions du besoin qu'un être humain pourrait avoir de se sentir exister sous le regard de l'autre. Elle est après... on pourrait dire son émancipation. En témoigne, d'ailleurs, sur un plan symbolique qui est aussi celui du film, le fait qu'elle ait littéralement tué ses parents. C'est une femme qui a elle a tué pas mal de monde, à commencer par ses parents. Donc, elle est dans cette logique de libération absolue du regard où la question de la honte n'est jamais présente. Hein. C'est-à-dire, pour le dire autrement, c'est un film qui nous raconte quelque chose d'une expérience de la liberté. C'est pour ça qu'il y a une telle jubilation, je pense, à regarder Basic Instinct. C'est que c'est une femme qui est dans un rapport à soi d'une liberté absolue. Alors, pour ça, parce que c'est une femme... Parce que c'est une femme historiquement, il faut qu'elle ait tué un certain nombre de gens. Alors, ses parents d'abord, son foyer, comme dirait Virginia Woolf, hein, c'est-à-dire quand Virginia Woolf, au début du XXe siècle, s'adresse aux femmes écrivaines, pas aux hommes, et elle leur dit « Attention mesdames et mesdemoiselles, vous allez devoir tuer l'ange du foyer ». Elle n'est pas en train de leur dire « Vous prenez un couteau de cuisine, vous massacrez votre mari, votre animal domestique, vos enfants et votre belle-mère ». Elle leur dit « Symboliquement, vous, quand vous commencez votre journée de travail, vous allez devoir faire abstraction, c'est quelque chose dont vous avez d'ailleurs souvent parlé dans vos émissions et je me souviens de plusieurs de vos chroniques là-dessus, qui m'a marqué, c'est la question de se libérer de cette sorte de cage domestique qui est intériorisée, imaginaire, et qui fait que même dans sa tête, on peut continuer à faire le ménage de la maison, à repasser les chemises du mari, et d'une certaine manière, même si on n'a pas de mari. On est dans la question de la fiction. Et de toutes les entraves à la fiction. Donc Catherine Tramell, il est clair qu'elle a dézingué l'ange du foyer. Hein. Et c'est ce que le film nous raconte. Elle n'a pas de mari, elle n'en veut pas. Elle n'a pas de parents, elle les a dézingués. C'est-à-dire qu'elle s'est libérée de toutes ces formes de regard qui, socialement, sont des formes asservissantes. Ce qui n'est pas le cas de son partenaire de jeu. En tout cas, avant leur rencontre. Qui ne supporte pas d'ailleurs qu'elle ait vu en lui, le tueur, shooter, on entend dans la version originale, il ne supporte pas ça. Et puis, précisément, c'est quand même ça, c'est pour ça que je parle de reconnaissance, c'est qu'il y a quand même une sorte d'apprivoisement, c'est-à-dire qu'il se retrouve, ça n'est pas que l'instinct basique n'est pas celui seulement de la fiction, du désir de fiction, du désir d'y croire, parce qu'on est vraiment là-dedans, hein. Il décide, Nick, d'y croire. Il décide de croire en cette femme, alors que tout le monde autour de lui lui dit de ne pas y croire, de ne pas y aller, lui dit qu'il est manipulé, il décide d'y croire, mais au-delà de ça, il y a aussi un instinct basique de tuer symboliquement en fait toutes les chaînes qui nous engoncent, et on voit bien que lui, il est encore dans ce processus-là d'émancipation et que c'est elle qui va lui permettre de le finir. Oui, c'est on pourrait dire que c'est son coming out, lui, hein, littéralement, c'est-à-dire qu'il va se reconnaître comme tueur. Alors encore une fois, il faut toujours entendre, alors il n'y a pas du tout de second degré hein, là-dedans, mais en revanche, il y a l'idée que tout se passe sur plusieurs plans en même temps. Hein. C'est une grande œuvre d'art, donc il y a plusieurs plans. Il y a le plan de l'intrigue, qui est très très très embrouillé par moments. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, dans le plan de l'intrigue, on va directement résoudre une soi-disant énigme pour certains des spectateurs. Elle est l'auteur des meurtres, hein. La serial killer, c'est elle. Et je dois dire que la manière dont dans le scénario écrit la dernière scène, c'est une scène virtuose. Hein. C'est-à-dire que je vais spoiler la dernière scène. Allez-y. Ils sont au lit, ils ont baisé, c'est le coup du siècle, dit-il d'abord lui. Et puis finalement, elle dit « ok ». Hein, c'est-à-dire que il se présente comme le coup du siècle, ça c'est le dialogue du film. Elle dit « ok, attendons de voir », et puis finalement elle le lui accorde. Et à ce moment-là, lui répète quelque chose qu'il lui a déjà dit, c'est-à-dire « qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est nu ?» Hein, parce que la question de la nudité, exactement comme ce que je viens de dire, elle se joue sur plusieurs plans. C'est-à-dire que d'abord, c'est une femme sans culotte, comme Marilyn était une femme sans culotte tout le temps. Et en même temps, comme Marilyn, elle est nue sur un certain plan. C'est-à-dire qu'elle est nue existentiellement. Elle est nue, alors pas au sens sartrien, qui est cette vulnérabilité au regard d'autrui, mais il y a aussi une vulnérabilité du personnage, hein, dans cette mise à nu qu'elle a, le risque qu'elle prend avec cet homme. Donc il lui dit, ok, maintenant qu'on est nu l'un pour l'autre, l'un pour l'autre, l'un face à l'autre, on fait quoi? Bon, quels sont les scénarios finalement, hein, parce que c'est quoi la question de la littérature aussi dans le film? C'est quoi la question du roman? C'est quoi la question du thriller? C'est quoi la question du cliché? Plutôt que de rigoler, comme peut-être feraient certains sur les clichés du thriller du film, il ferait mieux peut-être ces gens qui rigolent de regarder leur propre existence et de se demander si ça donne pas envie de rigoler ou de pleurer. Les clichés que les récits, finalement, toujours les mêmes récits qui se rejouent dans la vie des êtres humains. Donc, dans ces clichés-là, il y a quoi? Bon, on a baisé, on s'aime bien, on connaît les secrets l'un de l'autre, ok, qu'est-ce qui nous reste? Le couple. Ok, le couple. Alors c'est quoi le couple? C'est le mariage. Bon, le mariage, c'est quoi le mariage? Les enfants. Couple, mariage, enfants, etc. Elle a envie de mourir, hein, quand elle entend ça, ça se voit. Ah oui, on voit son regard qui se vide. Voilà. Je pense, en se disant, ou en se disant, tout ça pour ça. C'est alors, pour plein de choses. Revivre voilà. Ça, encore une fois. Pour plein de choses, parce qu'effectivement, elle est écrivain, donc en fait, c'est elle, en général, qui écrit les intrigues, et là, elle se dit, et ça peut arriver, c'est un effet secondaire, parfois, d'être écrivain, c'est qu'on se dit, aïe, aïe, aïe, non, là, j'aimerais bien réécrire le dialogue, mais je peux pas, parce que je peux pas me mettre à réécrire les dialogues dans la vie, sinon, ça va être complètement dingue. Bon. Elle aimerait bien réécrire le dialogue. Et finalement, elle le fait à la fin. Mais elle lui propose. C'est un jeu. Ça se fait à deux. Elle lui impose pas. Elle est pas, pour le coup, on n'est pas dans la dinguerie autoritaire de l'écrivain. Elle lui dit non, c'est pas quand ça revient. Et lui réfléchit, il réfléchit. Il accepte le jeu, c'est-à-dire le jeu de l'imagination, c'est-à-dire le jeu de la liberté, hein, pour prendre un terme sartrien. Qu'est-ce que ça va être un chemin de liberté, pour rester dans la métaphore sartrienne, qui serait qu'on s'aime mais on n'a peut-être pas exactement envie de refaire ce schéma du couple, du mariage, de l'enfant, des lardons, comme il dit, etc. Bon. Il dit baiser barbecue, comme des castors et faire voilà. Des lardons. C'est-à-dire dans une optique, en l'occurrence, chrétienne, hein, ou religieuse, l'idée qu'effectivement baiser, c'est la procréation. C'est littéralement ce qu'il dit quand même, hein, le schéma biblique. Et il dit, ok, on s'aimera, on baisera, mais on n'aura pas ce schéma-là. Il se trouve qu'au moment où lui imposait à nouveau ce schéma-là, ce récit-là, ce roman-là, qui l'ennuie, elle avait la main sur le pic à glace. Hein, il y a toujours un pic à glace sous le lit. C'est pas, voilà, un pic à glace sous le lit. Elle prend le pic à glace et au moment où il lui impose ce récit, on sent que le roman l'ennuie tellement et les écrivains n'aiment pas tellement s'ennuyer qu'elle se dit, ah non, là, il faut le punir de m'ennuyer, je vais lui planquer un coup de pic à glace. Il change le récit. Soudain, le récit devient ouvert. Ce n'est plus le récit cliché. C'est autre chose. Elle lâche le pic à glace. Évidemment, lui-même a un doute. C'est-à-dire qu'il se dit, il se passe quelque chose puisqu'en fait, on ne voit pas le bras de Sharon Stone à ce moment-là. On voit son regard à lui qui prend peur, et puis effectivement elle se tourne, et là en fait, elle n'a rien dans la main, et elle se jette sur lui pour lui faire un câlin. Donc rendez-vous compte qu'on est en 92, et que je disais tout à l'heure, je vais faire une petite rectification, il y a eu une écrivaine très belle dans l'histoire du cinéma, c'est Jacqueline Bisset dans Rich and Famous, le dernier film extraordinaire de George Cukor, 9 ans avant avant Basic Instinct. Néanmoins, cette extraordinaire et talentueuse écrivaine ne vend pas ses livres, est malheureuse en amour et souffre tout le temps et se fait piquer ses romans, en plus ses idées, par sa meilleure amie. Donc on est quand même dans un bon cliché masochiste où la femme écrivaine, l'artiste, pour avoir sa vie indépendante, il faut quand même qu'elle le paye, d'une certaine manière. Là, pas du tout. Et on est quand même dans ce dernier plan du film. Ce dernier dialogue où elle dit, voilà, moi, en tant qu'écrivaine, en tant que femme libre, je décide que je continue à écrire mes histoires avec toi, si tu as envie d'être mon partenaire de jeu. Puis le jour où tu n'auras plus envie, ça s'arrêtera. Sans enfant, sans foyer, etc. Et encore une fois, j'insiste, nous sommes sur un certain plan, qui est le plan de ce film, qui est un chef-d'œuvre, donc qui déploie une multiplicité de significations. Sur un certain plan, cette femme ne peut avoir sa liberté qu'en se débarrassant de l'ange du foyer, et dans l'ange du foyer il y a aussi le pic à glace, hein, qui, enfin, Alors, on va pas tout de suite dévoiler vraiment le dernier plan du film, Hélène Frappa. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Je vous propose d'écouter un extrait, en fait, sur les femmes qui constituent, en fait, ce film, au-delà de Catherine Tremel, au-delà de Sharon Stone. Et on va s'apercevoir que face à Nick, qu'on voit pourtant à chaque plan et qui est parfois un petit peu fallot, eh ben, les femmes ici ont toutes de la poigne. I don't understand what the hell is going on here, Gus. C'est pas si dur que ça. Cette jeune fermière en a eu assez que toute l'attention se porte sur ses frères. Elle les a effacés. Comme cette chère Hazel Dobkins a liquidé toute sa famille, à part que Roxy n'a pas utilisé un cadeau de mariage, mais le rasoir du papa. Oh. Ça vous fait vous demander de quoi pouvaient causer ces beautés le soir au coin de leur feu de camp. Ses amis ont tous tué quelqu'un, t'as pas remarqué? Ça devait être autre chose que du simple papotage de Dana. Je suis plus tellement sûr que ça soit elle, Gus. De laquelle on parle maintenant, Hutch? On sait que la vieille Hazel a tué. On sait que la jeune Roxy a tué. Quant à l'autre, elle a la minette diplômée qui a fait disjoncter Super Flic. Alors c'est intéressant quand même, il faut remarquer dans ce film Hélène Frappa que Gus, qui est donc un des meilleurs amis, enfin le seul ami en fait plutôt de Nick, qui est aussi dans la police, passe son temps à parler de manière très forte. C'est vraiment le beauf, hein. C'est vraiment, il faut le dire, c'est aussi un film de cliché. C'est-à-dire qu'on a la lesbienne maléfique qui est la petite amie de Catherine qui s'appelle Roxy. C'est d'ailleurs d'elle dont parle Gus, donc cet autre cliché qui est le flic beauf, raciste, qui aime pas les touristes et qui passe son temps à hurler dès qu'il s'adresse à son ami, même dans un diner. Il y a qui d'autre? Il y a aussi Catherine, la femme fatale quand même, qui rentre dans ce cliché. Nick, le flic paumé, qui essaye d'arrêter l'alcool, la cocaïne, mais qui n'y arrive pas. Et puis effectivement, il y a tout ce panel de femmes, en fait, qui sont des femmes tueuses. Catherine est entourée de femmes tueuses. Il y a donc elle-même, il y a cette femme Hazel Dobkins, qui est une personne donc, qui a été en prison, que Catherine fréquente, qui a tué ses trois enfants, son mari comme ça, gratuitement. Il y a Roxy, donc sa petite amie, qui elle aussi tue et d'ailleurs tente de tuer Nick. Et finalement, on se rend compte qu'à côté de ça, non seulement les hommes, ben, ils n'ont pas beaucoup de désir en fait. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas vraiment de tuer, même symboliquement, ce qui se passe autour d'eux. Ils sont plutôt à l'aise, enchaînés dans leur confort quotidien et leurs petites angoisses autour de l'alcool. Mais on se rend compte aussi que les femmes à côté de ça, est-ce qu'on ne peut pas se demander s'il y a une forme de cliché? C'est-à-dire que la femme ne peut être que tueuse pour pouvoir signifier qu'elle se libère de ses chaînes. Je crois pas que ce soit un cliché, je pense que c'est une manière, sur un certain plan, symboliquement, de montrer ce que c'est que l'émancipation. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes ces femmes doivent d'une manière ou d'une autre tuer quelque chose, tuer leur passé, tuer leur enfance, tuer... Alors là, on peut penser aussi bien à Showgirls, hein, dont l'héroïne, c'est à peine évoqué, mais quand même a été victime de son père a assassiné sa mère, donc c'est une histoire de féminicide. Donc elles ont en effet... Toute forme d'émancipation implique... une forme de meurtre symbolique. Donc c'est ce que le film raconte. C'est assez beau de voir que la vieille dame qu'elle accompagne, qui est sa complice. Alors il y a des duos féminins. Chez Verhoeven, les femmes se regardent beaucoup plus que les hommes ne les regardent. Hein. Elles se comprennent même d'un regard. On parlait tout à l'heure de la question male gaze, female gaze. Ce sont beaucoup des femmes qui se matent. Même. Hein. Alors il y a effectivement ce personnage de Roxy, donc l'amante lesbienne, donc à qui Catherine demande de la regarder. Enfin, elle jouit du fait que son amante la regarde baiser avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça se fait sous le regard de cette femme. Dans Showgirls aussi, ça ne raconte que des histoires. C'est censé officiellement raconter des histoires de stripteaseuses. En fait, ça n'est jamais vu du point de vue des spectateurs masculins, mais toujours des femmes qui se matent les unes les autres. Donc cette question est, voilà, il y a cette question du cinéma que ces femmes se font les unes les unes entre elles. Et puis, il y a ces meurtres, en effet. Là. Donc, la vieille dame qui est la complice, une des... Enfin, qui est... Oui, l'alter ego, on pourrait dire, de l'écrivaine, c'est Dorothy Malone. Hein. C'est-à-dire, c'est une grande actrice hollywoodienne qui a joué chez Douglas Sirk, notamment, et qui a surtout eu un rôle qui, moi, je me souviens, ça fait partie de ces... Moi, j'ai vu ce film quand j'étais enfant, Le Grand Sommeil de Howard Hawks, et c'est vraiment le genre de scène qui marque, et qui peuvent marquer, d'ailleurs, je pense, une petite fille à vie, parce que, bon, c'est le regard de Hawks, vous parlez d'ironie, pour le coup, on est à un sommet d'ironie, c'est-à-dire, on a parlé des clichés des femmes écrivains en tweed, on pourrait parler du cliché de la femme libraire aussi, hein, qui est pas très éloignée. Bon, dans Le Grand Sommeil, il y a un moment où il y a une libraire, c'est-à-dire que Humphrey Bogart, dans son enquête qui n'a ni queue ni tête, se retrouve, il pleut, il se réfugie dans une librairie. Il y a une libraire, c'est Dorothy Malone. Clairement, Verhoeven a pris Dorothy Malone pour cette scène, ça j'en suis certaine. Elle a des lunettes, elle a un chignon, et elle est une bombe sexuelle, enfin une bombe plutôt d'avance sexuelle. Donc elle va littéralement draguer Bogart, un peu effrayée, fermer le rideau, et puis donc coucher avec Bogart dans la librairie. Donc il y a déjà une subversion par Hawks de ce personnage, de cette figure misogyne, de la vieille fille, comment dire, dans sa bibliothèque, etc., la vieille bibliothécaire, etc. Avec un moment quand même assez intéressant où, pour qu'il couche avec elle et pour qu'il la désire, il lui demande d'enlever ses lunettes. Hein. Ce qui veut dire à la fois qu'il lui demande de sortir de ce cliché de bibliothécaire, mais aussi qu'il lui demande d'arrêter d'avoir le regard. Parce que les lunettes, dans toute une tradition de films, et je pense notamment à beaucoup de films qu'ont interprété l'immense Barbara Stanwyck, tout au long de l'histoire hollywoodienne, c'est souvent des femmes à lunettes. C'est-à-dire des femmes, c'est la manière dont le cinéma hollywoodien leur donne le regard. Bon, Verhoeven, il est au-delà, hein, c'est-à-dire il n'a même plus besoin de mettre des lunettes à Sharon Stone, mais on est dans cette figure-là. Et effectivement, ce sont des femmes, à un moment ou à un autre, si elles veulent sortir, si elles veulent se débarrasser de cet arsenal de clichés entre le tweed, la bibliothèque, le thé qui fume et le vieux chat au coin du feu, il faut qu'elles tuent quelqu'un, il faut qu'elles prennent au minimum le tisonnier et qu'il faut que le spectacle commence, quoi, comme on dit dans Showgirl, le spectacle commence. Il nous reste quelques minutes, Hélène Frappa, pour commenter la fin du film et arriver à cette scène véritablement finale, vraiment le dernier plan du film. On va donc écouter un dernier extrait, cet extrait où justement Sharon Stone met fin à tous ces clichés autour de la femme à lunettes, de la femme libraire, de la femme écrivain, puisque ça y est, Sharon Stone, le personnage de Sharon Stone, Catherine, annonce à Nick que son roman est fini et qu'elle n'a plus besoin de lui. Hi, monsieur. I finished my research. I finished my book. Yeah. Alors, comment ça finit? Je te l'ai déjà dit. Elle le tue. Au revoir, Nick. Au revoir? Oui. J'ai fini mon bouquin. T'as pas compris. Ton personnage est mort. Au revoir. Et qu'est-ce que tu veux, des fleurs? Je te dédicacerai un exemplaire. Attends, là, c'est quoi ça? Une blague ou quoi? On joue à un nouveau jeu? Les jeux sont faits. Tu avais raison. T'es vraiment le coup du siècle. Flingueur. Alors on retrouve dans cet extrait un petit peu tous les éléments de langage du film. Le programme a été appliqué. La femme tue bien le policier. C'est le coup du siècle. Elle lui rappelle que c'est un shooter, un flingueur, un tueur. Elle dit que le roman est fini, qu'elle n'a plus besoin de lui. Donc finalement, c'est vraiment elle qui a décidé de l'avenir de ce personnage. Ce qui est en revanche plus intéressant, c'est que ce qu'on a l'impression d'être une fin de film, en fait, vraiment, le film pourrait se finir quelques minutes après, ça changerait pas grand-chose. Eh bien, en fait, n'est qu'un moment avant la fin du film, puisque si Sharon Stone en a fini avec le personnage de Nick, elle n'en a pas fini avec lui. C'est ce qu'on découvre après. Oui, en finir avec son personnage, c'est le tuer d'une certaine manière. Hein, même si, comme dit Stephen King, chaque écrivain est obsédé par ces personnages de fiction qui, sans lui, meurent littéralement. Hein, c'est-à-dire que chaque page que vous écrivez avec votre sang alimente, donne à manger à ces personnages. Donc vous les mettez au monde, vous les faites vivre, et puis à un moment, oui, d'une certaine manière, vous les tuez. C'est un grand film sur ce que c'est que la littérature. Hein. Bessie Kinsing, je pense l'avoir dit abondamment. Je note quand même qu'on entend le bruit de l'imprimante dans l'extrait, ce qui est génial. C'est génial. Et par contre, on ne voit jamais Sharon Stone écrire. Elle n'écrit jamais. On la voit pas écrire, mais d'une certaine manière, vous disiez à propos tout à l'heure de la scène de, très justement, de la scène de l'interrogatoire, qu'il n'y a pas de psychologie. Bon, quand même... elle a, et c'est une des forces du jeu de Sharon Stone dans le film, on voit un peu ce qui se passe dans la tête d'un écrivain, c'est-à-dire qu'elle écrit en permanence, ça se voit si on l'observe bien, c'est-à-dire qu'elle observe et elle est déjà en train d'écrire en permanence, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Hein. Donc elle écrit. Pour moi, c'est-à-dire on y croit, il y a des films complètement ridicules ou des séries complètement grotesques qui peuvent être assez marrantes d'ailleurs, où on voit effectivement les héroïnes sont au bord de la piscine, elles passent leur temps à se bourrer la gueule, en général à boire des cocktails, des films américains un peu nuls, et elles sont censées tous les 6 mois pondre un thriller. Et effectivement, on n'y croit pas du tout. Basic Instinct, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le spectateur avec l'héroïne goûte à cette drogue dure qu'est la littérature et qu'est la fiction, parce que c'est vraiment une drogue dure. Donc on fait quoi quand le livre est fini et que le livre est fini? Donc effectivement, le cinéaste, c'est quelqu'un qui a le regard et qui manipule. On le sait, puisqu'on sait même que Verhoeven a manipulé Sharon Stone sur la question de cette histoire de culotte, évidemment, elle n'en avait pas, elle le savait, mais en lui disant pas exactement quelle fonction aurait son sexe dans la scène. L'écrivain est un regard, mais il est plus du côté de la vampirisation, c'est-à-dire qu'effectivement, il vole, il observe, etc. Donc, une fois qu'elle a vampirisé le personnage, elle en fait quoi? Ce qui est très beau dans le film, c'est qu'en même temps, le personnage n'est pas, pour le dire simplement, dur. C'est-à-dire qu'elle accepte à un moment de jouer à un autre jeu. C'est-à-dire que ça soit ouvert, probablement parce qu'elle a cette liberté en elle, et donc la liberté, d'un point de vue existentiel, c'est l'ouverture en permanence, hein, la bifurcation, la possibilité de la bifurcation. Elle va bifurquer. Ok, le roman est écrit, on peut toujours en écrire un autre. Et alors, on en vient à ce plan final, Hélène Frappa, parce qu'il nous reste une minute. Donc, le plan, ils sont au lit. Il lui propose donc de baiser comme des castors, de faire de l'argent. Elle dit non. Très très très ennuyeux. Voilà, très nul. Ouais. Elle se saisit du pic à glace. Finalement, il dit ok, pas d'enfant. Elle lâche le pic à glace. On ne le sait pas. On voit juste son bras, son pic à glace, l'entourer de ses bras pour lui faire un câlin. Et puis là, le film s'arrête. Donc on a un écran noir. Et puis là, la caméra reprend. Et là, en fait, on voit la caméra qui va sous le lit. Et on voit le pic à glace. Et ce dernier plan est génial parce que on est parfois tenté d'arrêter directement le film une fois qu'il y a un écran noir. Et si on n'est pas attentif, si on n'est pas en tout cas persévérant, on n'aura pas vu ce pic à glace sous le lit. On n'aura pas vu ce pic à glace, c'est-à-dire on n'aura pas vu que c'est au cas où on l'ait pas encore compris avant, que c'est du sérieux la fiction. Hein. C'est-à-dire que c'est encore une fois les livres. Il y a eu quelques années un très grand film de John Carpenter. C'était sur le cinéma, mais c'était un film qui tuait ses spectateurs. Mais l'art consomme ce qu'ils font et aussi bien ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils vivent. C'est une expérience. Je veux dire, une vraie œuvre d'art comme Basic Instinct change son spectateur. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui est une épreuve de vie. Et le pic à glace, c'est ça que ça raconte. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, je disais, c'est pas de la déco au début. Ça saigne. Il y a du sang. Merci beaucoup Hélène Frappa, on s'arrêtera sur cette image, sur cette phrase, il y a du sang de vous, on peut lire Le Mont Fuji n'existe pas, c'est aux éditions Actes Sud et c'est paru cette année. J'ai plaisir aussi à citer Roberto Rossellini aux éditions Cahiers du Cinéma, paru en 2008, Jacques Rivette, Secret compris, aussi aux éditions Cahiers du Cinéma, merci beaucoup. Merci. Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze.